Thank you.

distance dans l'espace entre nos baisers. Au son de la mer, au dur absence. Thank you. Ma scena, o nella collegera, o per